des larves, nous sommes des larves. Des bestioles qui vous sucent la moelle, nous sommes des guêpes, nous sommes des guêpes. Qui envahissent les dortoirs, nous sommes des guêpes, nous sommes des guêpes. Les mamans pleurent dans le noir. Je dis bonsoir, claque des mandibules.